الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous continuons la série de cours dans l'explication, la traduction du livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, ce qui s'appelle Mudhakkirat al-Hadith al-Nabawi fi al-Aqidati wal-Ittiba'. Nous sommes arrivés donc au 14e hadith aujourd'hui, et on devrait donc également voir le 15e, inshallah ta'ala, aujourd'hui. Petite précision, surtout pour les gens qui ne sont sur pas le talk, s'ils ont déjà eu l'occasion de rentrer dans la room, c'est qu'il y a un changement d'horaire. Inshallah, ce sera tous les dimanches à 16h30 heure anglaise, c'est-à-dire 17h30, je pense, heure française. Alors qu'avant c'était le soir après le Maghrib al-Isha, on a rajouté un deuxième cours le samedi à 16h30 dans le fiqh qui a pour titre la traduction de l'explication de Shurut Salah de Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Donc les deux cours sont à 16h30 le samedi et le dimanche. Donc je commence directement dans le hadith numéro 14, le hadith al-Rabi Achar, Ahabbu al-A'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد. Donc le 14e hadith qui a pour titre les actions les plus aimées par Allah le Très Haut subhanahu wa ta'ala, d'après narration de Abdullah ibn Mas'ud dit, je demandais au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les actions les plus aimées d'Allah. Il dit, la prière à son heure. Je dis, et ensuite, il dit, l'obéissance aux parents. Je dis, et ensuite, il dit, le combat dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son sahih, et Muslim dans son sahih, et Ahmed dans son musnad. Qui est le rapporteur du hadith? Sahabi al-hadith, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, et le cheikh dit ici taqaddamat tarjamatuhu fi sharh al-hadith raqam 5. Donc c'est-à-dire que le rapporteur du hadith est le compagnon dont nous avons déjà cité la biographie lors de l'explication du 5e hadith. Hein? Abdullah ibn Mas'ud, on l'a fait lors de l'explication du 5e hadith. Donc inshallah, on va se limiter à ça, et ceux qui veulent revenir à la biographie qui reviennent à l'explication donc du 5e hadith. Quant au jargon du hadith ici, au vocabulaire, al-mufradat, ahabbu ila Allah dans le hadith ici, ay aktharuha mahabbatan ila Allah wa afdaluha. Quand on dit ahabbu ila Allah ici dans le hadith, c'est-à-dire les plus aimés d'Allah et les meilleurs parmi les actions. Birr al-walidain, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit birr al-walidain, ensuite après avoir dit as-salatu ala waqtiha. Donc cheikh ici dit birr al-walidain ta'atuhuma والقيام بحقوقهما والإحسان إليهما. C'est-à-dire l'obéissance aux parents et le fait de s'acquitter des droits qu'ils ont sur nous et de bien se comporter envers eux. Ensuite, après الصلاة في وقتها وبر الوالدين, il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله بذل النفس والمال في دعوة الكفار إلى الله وقتالهم لإعلاء كلمة الله. Ici, le shir nous dit que qu'est-ce que le jihad fisabilillah, c'est sacrifier son corps et ses biens dans l'appel des mécréants à Allah. Et ici, il y a un point à rapporter évidemment important. Évidemment, quand on parle de jihad fisabilillah, c'est le jihad shar'i, pas le jihad de khawarij, qui est un ifsad et pas un jihad. Et inshallah, on n'a pas le temps de consacrer inshallah plus en détail sur ce sujet-là, inshallah, mais il serait important de revenir au doros par exemple de Hassan Abu Asma, qui a fait la fête sur le sujet. Il a fait une très bonne série de doros, qui est une explication d'un livre de Cheikh Al-Abbad, sur l'amal tchribiya kfou l'khawarij, qui sont les attentats, expliqués par Cheikh Souhaimi en deux cassettes. Et Cheikh Abou Asma a fait la traduction là-dessus. Et je pense que vous pouvez retrouver ça sur le site d'Ikrullah et sur d'autres sites. Donc je pense qu'il y a déjà assez de cours sur le sujet, où Inch'Allah, au cas où, on pourrait toujours programmer un cours là-dessus. Mais ici, c'est important de bien comprendre ça ici, que quand on dit le jihad fisabilillah, évidemment, c'est le jihad shara'i, avec ses conditions, hein, avec ses règles décrétées par le ulama, etc. Le ma'na al-ijmali al-hadith, le sens général du hadith. Cheikh Rabi' dit ici, « Kana as-sahabi al-jalil, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, min qira'ati as-sahaba, wa fuqaha'ihim wa ulama'ihim. » Donc, « min qurra'i as-sahabati, wa fuqaha'ihim wa ulama'ihim. » وكانت أسئلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنبني عن فقهه وإدراكه وعفوا تنبئ عن فقهه وإدراكه فكما سأل هنا عن أحب الأعماء إلى الله فإننا نجد في الأسئلة السؤال عن أعظم الذنوب وأشدها فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجعل لله ندا وهو خالقك فيقول ثم أي فيقول له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك عليكم السلام ورحمة الله فيقول ثم أي فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك فهو كما يحرص أن يعرف أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله يحرص كذلك على أن يعلم أبغض الأعمال إلى الله. Donc ici, un point très important, qu'est-ce que nous dit Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, dans son explication du livre, il dit, le grand compagnon Abdullah ibn Mas'udin, qui faisait partie des lecteurs parmi les compagnons, qurra sahaba, comme cela, et faisait partie de leurs jurisconsultes parmi les fuqaha et les ulama et leurs savants, et ces questions qu'il posait, Abdullah ibn Mas'ud, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, étaient basées sur sa science et sa compréhension. Comme ici, lorsqu'il demanda, quelles sont les actions les plus aimées d'Allah, nous trouvons également, parmi les questions qu'il a posées lui-même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question posée sur les plus grands et les pires péchés. Donc d'un côté, il demande quoi? Quelles sont les actions les plus aimées? Et d'un autre côté, il demande quoi? Quelles sont les actions les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'il a posé cette question sur les plus grands et les pires péchés, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en disant que tu donnes, évidemment il y a un ordre à suivre ici, que tu donnes à Allah insemblable alors que lui t'a créé. Hein, d'accord? C'est évidemment, c'est le plus grave, c'est le shirk billah azza wa jal. Et il dit ensuite, donc deuxième, après cela, et puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit que tu tues ton enfant de peur qu'il se nourrisse avec toi. Il dit, et puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit que tu fasses la fornication avec l'épouse de ton voisin. Comme il était assidu pour connaître les actions les plus aimées d'Allah, il était également pour connaître celles qui sont les plus détestées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh continue en disant, « Fafi hadithina hada bayanu بيان لأمور ثلاثة هي أحب الأعمال إلى الله. Donc ici, عليكم السلام ورحمة الله. Donc ici, le cheikh nous dit un point important. Il attire notre attention et dit dans ce hadith ici aujourd'hui, donc dans ce hadith, une mise en évidence de quoi? De trois choses qui sont les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la première? Eh bien, le cheikh ici nous dit: أولها الصلاة على وقتها. فالصلاة في حد ذاتها هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأول العبادات تشريعا ولم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسائر العبادات بواسطة جبريل. Je dirais ici ولم يبلغها. Ce prophète صلى الله عليه وسلم, on lui a pas révélé cette adoration comme les autres adorations par l'intermédiaire de Jibril. Bal asra Allah bi 'abdihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa thumma 'urija bihi ila as-sama' wa hunaka fawqa as-samawati al-'ula najahu rabbuhu wa akramahu wa kallamahu bi fardiyatiha mubasharatan fa hada dalilu 'azamatiha wa idha salla al-'abd fa inna ma yunaji rabbahu wa afdal waqtin yataqarrabu bihi al-'ibad ila Allah وأوائل أوقاتها كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤديها في أوائل أوقاتها والرغب في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. Première chose dans le hadith, hein, ou plutôt la première parmi les actions les plus aimées d'Allah, donc vous voyez bien qu'il y a un ordre d'importance, c'est quoi? C'est la prière à l'heure. Car la prière est en elle-même le deuxième pilier des piliers de l'islam. Et la première des adorations légiférées. Et elle n'a pas été transmise au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme les adorations par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam. Mais Allah fit voyager son serviteur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée Al-Haram à la Mecque, à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Hein, le voyage nocturne. Il fut ensuite élevé au ciel, et là, au-dessus de ses cieux, Allah s'adressa à lui directement. Regardez l'importance de la salah. Rien que la manière dont elle a été instituée, elle a été légiférée, elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit déjà l'importance de la salah. Donc, question qui suit évidemment, où est-ce qu'on est par rapport à cette salah? Et là, au-dessus de ses cieux, donc Allah s'adressa à lui, Allah Rabbil Alamin s'adressa à lui directement et l'a honoré. Il lui a parlé de l'obligation de la prière directement, sans intermédiaire. Et c'est une preuve de la grande importance de la prière. Et lorsque l'adorateur prie, il se confie à son Seigneur. Et la meilleure des heures pour que les adorateurs se rapprochent d'Allah par la prière est le début des heures des prières. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'acquittait de la prière au début de son heure et nous a incité à le faire comme il l'a fait dans ce hadith. Donc très clair sur la prière ici, hein? Ensuite, la deuxième chose mise en évidence parmi les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith d'Abdallah ibn Mas'ud rapporté par le Bukhari wa Muslim wa Ahmed, donc c'est un hadith muttafaqun alayh. C'est birrul walidain, l'obéissance aux parents. Et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala nous dit wa thaniha birrul walidain fa haqqul walidain 'azim. Qaranahu Allah bi tawhidihi fi ghayri ma ayatin qala ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidain ihsana. Wa qala ta'ala qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum an la tushriku bihi shay'an wa bil walidain ihsana. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وغير ذلك من الآيات. Donc ici d'abord on va couper, on va d'abord voir les versets du Coran là-dessus. Donc la deuxième des adorations parmi les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance aux parents, car le droit des parents est très important et Allah subhanahu wa ta'ala la joint avec son unicité dans de nombreux versets. Traduction approximative du verset est adorer Allah et ne lui associer, donner aucun associé, agissez avec bonté envers vos pères et mères. Surat An-Nisa, verset 36. Deuxième verset, hein, et c'est la longue série de. Hein, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Hein, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم ولا تقربوا الفواحش منها ما ظهر وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. Regardez la suite. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Regardez toutes les wasaya, les recommandations. Hein? Si je ne me trompe pas, les ulama appellent ce verset la wasaya al-ashr. Les 10 wasaya. Hein? Ou plutôt les. Hein? Donc, ici. On revient à ce qu'on a dit, c'est quoi? Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sourate Al-An'am, verset 151. Verset suivant. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. La suite du verset, si je ne me trompe pas. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. هَ هو كما ربياني صغيرة. D'accord. Ça, c'est le ménage qu'on doit avoir avec nos parents. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et manquer de la bonté envers les pères et mères. Et à fois, marquer de la bonté envers les pères et mères. Surat Al-Isra, verset 23. Ensuite, maintenant, les dalils de la sunna. وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على عظمة حق الوالدين. من هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود الذي ثم أي الصلاة وقتها ثم قال ثم أي قال بر الوالدين. ومنها ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. الحديث والحديث أخرجه البخاري في باب عقوق الوالدين ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها من حديث أبي بكر. ومنها لعن الله من لعن والديه رواه مسلم كتاب الأضاحي والنسائي وأحمد. ومنها من أحق الناس ببري قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. فيجب على المسلم القيام بهذا الحق العظيم حتى لو كان كافرين حتى لو كانا كافرين فإن حقهما لا يسقط عن الولد. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. سورة لقمان. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Il y a dans la sunna pure de nombreux hadiths qui montrent l'importance du droit des parents. Parmi ceux-ci, évidemment, ce hadith-ci qu'on est en train d'étudier maintenant, le numéro 14, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud dans le Bukhari wa Muslim, rapporté par Ahmed dans le Musnad. Quoi? On a dit quoi? C'est quoi la meilleure des actions les plus aimées? As-salatu ala waqtiha. Et après, thumma ay, qal, birrul walidain. Il y a dans la sunna pure de nombreux hadiths qui montrent donc l'importance du droit des parents. Parmi ceux-ci, ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, et également le hadith, ne vous informerai-je pas du plus grand des péchés? Sahaba, évidemment. Que tu es toujours prêt à apprendre. Harisin ala ta'allum. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bala ya Rasulallah. Certes, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, certes, au messager d'Allah. Il dit, l'association à Allah et la désobéissance aux parents. Et ce hadith est rapporté par al-Bukhari, chapitre de la désobéissance des parents. Et muslim dans le chapitre de la foi. Et également, hadith, Allah maudit celui qui maudit ses parents. Rapporté par Muslim, An-Nasa'i ou Ahmed. Vous pouvez retrouver des hadiths dans le Kitab al-Tawhid. C'est le fameux hadith. La'ana Allahu man la'ana walidayhi, la'ana Allahu man ghayra manar al-ard, wa la'ana Allahu man awa muhditha. Les gens ont dit c'est parce que si tu fais la'an, tu maudis quelqu'un d'autre, le père de quelqu'un d'autre, il va maudire ton père. Donc c'est comme si tu l'avais maudit toi-même. Les sahabas ont dit comment est-ce qu'on peut maudire ses propres parents? Le professeur Azam l'aura expliqué, d'accord? Pour ceux qui veulent plus de détails, revenez aux explications de Kitab Tawhid, notamment l'explication de Cheikh Ahmed Najmi, Hafidahullah, Cheikh Fozan et autres. Et également le hadith, donc je vous ai donné le tahrij ou pas? Muslim, An-Nasa'i et Ahmed. Et également le hadith, qui est la personne le plus en droit de mon obéissance? Il dit, ta mère. Et ensuite, il dit ta mère. Et ensuite, il dit ta mère. Et ensuite, il dit ton père. Après trois fois la mère, il dit ton père. Et ce hadith est un hadith rapporté par le Bukhari, chapitre du comportement, et Muslim, chapitre de l'obéissance, de la préservation des biens et des bienséances. Il incombe donc aux musulmans, Cheikh Rabi'a continue en disant, il incombe donc aux musulmans de s'acquitter de ce droit envers les parents, et ceci même s'ils sont mécréants. J'insiste ici un point important, surtout pour les frères convertis qui entourent leurs parents non musulmans. Qu'ils fassent attention à la manière dont ils se comportent. Hein, qui ne croient pas parce que ce sont des musulmans qui peuvent faire n'importe quoi avec leurs parents. Comme ça arrivé de nombreuses fois. Allah al-Musta'an. Ici, quoi, c'est que même s'ils sont mécréants, ils doivent s'acquitter de ce droit envers les parents. Car leur droit reste sur l'enfant. Le droit reste sur l'enfant. Même si l'enfant est musulman et les parents ne le sont pas, le droit ne tombe pas. Il reste. Et tu dois, ya Abdallah, hein, ou ya Amatallah, hein, akhi, ukhti fillah, tu te dois de t'acquitter de ce droit-là envers tes parents, même s'ils sont non-musulmans. Bir l'walidin. Et quelle meilleure da'wa que celle-là? Et ici, le verset de Sourate Luqman. Hein? وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Ça, évidemment, ne leur obéit pas dans la désobéissance d'Allah. Mais qu'est-ce qu'il a dit Allah Azzawajal ensuite? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. C'est dans la wasaya de Luqman à son fils qui commence, hein, avec Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, et la suite du verset, toute la page qui suit. Hein. Alors, donc on a dit quoi? Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Wa sahibhumma fi dunya ma'rufa, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Surat Luqman, verset 15. Hein? Revenez au tafsir de Surat Luqman, au magnifique tafsir de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, dans son tafsir, son fameux exégèse du Coran. Hein? Revenez à cette explication de Surat Luqman et de ce passage-là, c'est magnifique, subhanallah, il y a beaucoup de fawaïd, beaucoup de bénéfices à prendre et je pense que j'ai déjà vu des cours traduits en français sur Wasaya Luqman, sur internet, je ne suis pas sûr, mais les frères francophones qui ont plus l'habitude d'écouter en français pourront confirmer, Inch'Allah. Troisième chose qui est, ou troisième action parmi les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa thalithuha al-jihadu fi sabilillah. Fa'innahu dharwatu sanamil islam, wa bihi takunu kalimatullahi al-ulya, wa bihi yadharullah, afwan, bihi yudhirullah al-islam ala sa'ir al-adiyan, kama hasala thalika bi jihadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa jihadi sahabatih al-kiram min ba'dihi. فإنهم باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده فعلى الله بهم الإسلام وأظهره على الأديان كلها على أيديهم وأعلاهم وأعزهم به وجعلهم سادة الدنيا وأساتذتها وعلماءها وقادتها فإنهم صدقوا الله في البيعة التي تمت بينهم وبينه وهو يقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سورة التوبة. والآيات والأحاديث في مكانة الجهاد وفضله كثيرة فليرجع إليها. وليدرك المسلمون أنه لا عزة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا في التمسك بالدين والجهاد في سبيل الله. وما نلهم ما نلهم من ذل وهوان وتسلط أمم الكفر من المستعمرين عليهم إلا بتفريط في دينهم وتركهم الجهاد في سبيل الله. فيجب أن يستأنفوا حياة جديدة بالعودة إلى الله والجهاد في سبيله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبيعتم بالعينة ورديتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في النهي عن العينة وحديث وأحمد والبيهقي في الكبرى. دوك إيسي troisième chose importante, et je répète ce que j'ai dit déjà dans l'introduction, c'est quand on parle de jihad fi sabilillah, on doit le comprendre de la manière légiférée, selon les usul d'Ahl-Sunnah al-Jama'a et pas les usul de Khawarij, hein, évidemment. Le combat dans la voie d'Allah, car il est le sommet de l'islam, et par lui la parole d'Allah devient la plus haute. Et par lui l'islam devient apparent sur les autres religions. Comme cela est arrivé par le combat du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons après lui. Ils ont sacrifié leur personne et leur bien dans la voie d'Allah et ils ont combattu comme il convient. Allah a élevé l'islam par eux. Il a rendu apparent sur les autres religions. Il les a élevés, il les a rendus puissants, il les a rendus les nobles sur terre et ses professeurs. Al-Asatidah. Et ses savants et ses leaders. Ils furent véridiques dans leur serment envers Allah. Qu'Allah nous a relaté dans Surat al-Tawbah, Surat le Repentir, verset 111. Voici la traduction donc rapprochée de ce verset coranique. Certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement ? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait et c'est là le très grand succès. Surat le Repentir, Surat Tawbah, verset 111. Et les versets, les hadiths sur la place, barakallahu fik, sur la place qu'occupe le jihad et sa préséance sont nombreux et sont à consulter. Les musulmans doivent comprendre qu'il n'y a de puissance pour eux ni de bonheur dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà qu'en s'attachant à la religion. Parole très importante de Cheikh Rabi' ici, hafdhahullah. Et au combat dans la voie d'Allah, il ne les a touché l'humiliation et la honte. Et les communautés de mécréance parmi les colonisateurs n'ont triomphé d'eux qu'à cause de leur laxisme dans la religion. Il a dit, comme il a rapporté le hadith ici, et Cheikh Al-Albani, combien est-ce qu'il a fait de cours sur ce hadith-là, et combien il ne l'a pas cité, ce hadith-là, dans ses cours, pour faire comprendre aux gens que c'est ça la da'wah salafia. C'est faire revenir les gens vers la religion. Les gens, ils veulent rentrer dans la maison par le toit. Là, on commence par là. Quand on construit une maison, on commence par les fondements. On suit la méthodologie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le hadith est dans le hadith sahiha pour ceux qui veulent revenir, mais Cheikh a rapporté le tahrij ici. Hein. Donc on a dit quoi ? Il aurait été obligatoire de commencer une nouvelle vie en revenant vers Allah. En revenant vers Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hatta tarji'u ila dinikum ». Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous pratiquerez la vente à terme, ida tabaya'tum bil'ina ». C'est quoi le tabi'u bil'ina ? C'est quoi ? C'est vendre un objet à quelqu'un à crédit, d'accord ? Avec une facilité de paiement, puis lui le racheter argent comptant à un prix inférieur avant même d'avoir encaissé son prix complet. En fait, c'est quoi ? C'est une riba déguisée, si vous voulez. D'accord ? Et que vous vous accommoderez de l'agriculture et que vous suivrez les bovidés, pas à pas, et que vous délaisserez le jihad, Allah vous infligera un rabaissement qui ne vous ôtera pas tant que quoi ? C'est quoi le remède ? Tant que lorsque vous reviendrez vers votre religion, na'am. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, Ahmed et Al-Bukhari. Et c'est le Bayhaqi, dans le Kubra, Sunan al-Kubra. Quels sont les enseignements tirés du hadith ? Ma yustafadu min al-hadith. أولاً إثبات صفة المحبة لله على الوجه اللائق به. Très important ici dans l'aqida, c'est qu'on tire des hadiths. Donc quelqu'un vous dit, oui, mais comment tu attribues la sifa de l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala ? Mais tu lis sur le hadith. Hadith Abdullah ibn Mas'ud dans le Bukhari et Muslim. Ahabbu l'a'mali, ahab. Ism tafdil, ahabbu. Les plus aimés. Ça veut dire qu'Allah il aime subhanahu wa ta'ala. Donc c'est-à-dire que l'affirmation de l'amour comme attribué à Allah, et ce de la manière qui lui convient à lui, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, deuxième fa'ida, as-salatu fi awwali waqtiha min afdali al-a'mali wa ahabbiha ila Allah. La prière au début de son heure fait partie des meilleures actions et des plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième faïda, la faïda du thalitha, an haqq al-walidayni azimun wa birruhuma wa al-qiyam bi huquqihima min ahabb al-a'mal ila Allah. C'est très important également ici, le droit des parents est très important et que le fait de leur obéir et de s'acquitter de leurs droits fait partie des actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois on cherche les actions très loin, et on oublie ce qui est très proche et qui est azim inda Allah azza wa jalla. 4. فضيلة الجهاد في سبيل الله وتوقف عزة المسلمين أو عزة المسلمين على القيام به وهذا يدل عليه آيات وأحاديث كثيرة. La préscience, donc quatrième point, la préscience du combat dans la voie d'Allah et que la puissance des musulmans ne peut être obtenue qu'en s'en acquittant, et ceci est prouvé par de nombreux versets et de nombreux hadiths. Donc je répète que c'est le nouvel horaire aujourd'hui, dimanche à 16h30, au lieu de, je crois que c'était la semaine passée, c'était presque 10h. Hein. Parce qu'on fait le jam entre le Maghrib et l'Isha et ça devient un peu tard pour les gens. Donc à partir de cette semaine, Inch'Allah, ce sera tous les dimanches à 16h30. Hein. Je sais que les gens vont être un peu surpris sur Paltalk parce qu'ils n'ont pas été prévenus. Et le samedi, on a rajouté un cours qui est Sharh Shurut Salah de Sheikh Al-Mohsen Al-Abbad, Hafidahullah Ta'ala, à la même heure, à 16h30, qui est dans le fiqh. On commence donc maintenant le 15e hadith. Le hadith le 15. Alaysa al-jihad fi sabilillah afdal al-a'mal. Ça c'est le titre de du hadith. Le combat dans la voie d'Allah n'est-il pas la meilleure des actions? Et on va voir la réponse dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'explication. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. C'est un hadith qui est assez long. Inna wala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun istashhada fa'utiya bihi fa'arafahu fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istashhadtu qala kadhabt walakin qatalta li an yuqal jari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأته فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه ثم ألقي في النار. حديث très très important ici parce que là on va voir vraiment l'importance aussi de l'ikhlas, hein? On a déjà traité le sujet mais ici, vous allez voir que c'est très clair aussi. Akhraj au Muslim, Kitab al-Imara, wa Ahmed wa al-Nasa'i. Donc, c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim, Ahmed et al-Nasa'i. Donc, Muslim dans son Sahih, Ahmed dans son Musnad, al-Nasa'i dans Sunan. Alors, qu'est-ce que nous dit ce hadith? C'est d'après une narration d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire. Le premier à être jugé le jour du jugement est un homme tombé en martyr, qu'on a fait venir et à qui a été présenté son bienfait ou ses bienfaits, qu'il a reconnu. Il dit: qui as-tu fait? Il dit: j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je tombe martyr. Il dit: tu as menti, tu as combattu pour qu'on dise courageux. Hein? Et ça, ça devrait remettre en place beaucoup de tekfirines qui, hein, quand on les entend parler, on se demande pourquoi est-ce que, hein, ils veulent faire les choses, subhanallah. Et il fut dit: on donnera ensuite l'ordre le concernant et sera traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Et un homme qui a appris la science et l'a enseigné et a lu le Coran, il fut amené et lui fut présenté son bienfait qu'il reconnut. Il dit: qu'en as-tu fait? Il dit: j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai lu pour toi le Coran. Il dit: tu as menti. Imaginez-vous devant Rabb al-Alamin. Hein? Imaginez-vous. Tu as menti. Tu as appris la science pour que l'on dise savant. Et tu as lu le Coran pour que l'on dise c'est un lecteur. Et cela a été dit. Un ordre fut donné le concernant et il fut traîné jusqu'à ce qu'il soit jeté ou ce qu'il ait été jeté dans le feu. Et un homme qu'Allah a rendu aisé, hein, riche, et à qui il a donné tous les genres de biens. Il fut amené, on lui présenta ses bienfaits et qu'il reconnut, il dit, qu'en as-tu fait ? Il dit, je n'ai laissé de voie dans laquelle tu aimes qu'il soit dépensé sans que je n'ai dépensé dans cette voie pour toi. Il dit, tu as menti, mais tu l'as fait pour que l'on dise, il est généreux. Et cela a été dit. Il fut traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Rapporté par Muslim Ahmed al-Nasa'i. Qui est le rapporteur du hadith ? Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est Abu Huraira. On a déjà vu sa biographie lors de l'explication du 11e hadith. Donc, Cheikh ici ne l'a fait pas. Ceux qui veulent revenir, Inch'Allah, ils peuvent revenir à l'explication du 11e hadith. Et pour ceux qui n'étaient pas là dans les cours précédents, ou je pense plus particulièrement aux gens qui sont sur Paltol qui écoutent maintenant, ils peuvent commander les CD à la Maktaba Salafia de Birmingham. Le vocabulaire du hadith, hein, Mufradat al-Hadith, Yuqda alayh, qu'est-ce que ça veut dire ? يقضى عليه يحاكم ويحاسب c'est qu'il soit jugé et qu'on lui présente les comptes. استشهد او استشهد qu'il soit tombé en martyr, hein, on a dit quoi, نال الشهادة فيما يبدو للناس. Regardez la précision du shir, le shir Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafdahullah, hein, c'était mis en savant. Regardez là, la précision quand il parle. Il dit, regardez, nalu shahadati fima yabdou linnas. Fima yabdou linnas. Annahu qutila fi sabilillah. Parce que c'est quelque chose d'apparent dans ce qui t'apparaît à toi. Mais est-ce que c'est vraiment la chose ? D'où l'erreur que les khwan muslimoun font. Oh, al-shahid Sayyid Qutb. Al-shahid Hassan al-Banna. Qui t'a fait connaître que c'est un shahid ? Qui t'a fait connaître que Hazal Ben est un shahid ? Qui t'a fait connaître que Sayyid Qutb c'est un shahid ? Et alors qu'il y a un chapitre dans Sahih al-Bukhari, la yuqalu li fulan shahid. On ne dit pas à un tel que c'est un shahid parce qu'on rentre dans le domaine du mu'ayyan. Est-ce que tu as reçu un dalil min Allah subhanahu wa ta'ala ? Pour que tu saches que fulan il est tombé martyr. Regardez le ghoulou fi nas, regardez le ghoulou. Quel martyr, subhanallah, dans quoi il est tombé ? Dans quel combat il est tombé ? Pourquoi il est tombé ? Et l'interdiction, hein, de dire ça. La yuqalu li fulan shahid. Revenez dans Sahih al-Bukhari pour avoir plus de détails. C'est le titre d'un chapitre. Et après, on va dire non, c'est Qutb shahid. Hazal ben shahid, fulan shahid. Subhanallah. Regardez la précision du shaykh ici. Fima yabdou linnas. Dans ce qui apparaît aux gens. Ce qui connaît la niya ? On connaît la niya, nous ? On ne connaît pas la niya. La ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est, quand on parle de niya, c'est que si l'action elle est légiférée, alors qu'est-ce qu'on va dire si l'action n'est même pas légiférée ? Shuja', jari, courageux. C'est-à-dire qu'on a dit jari, shuja', courageux. Suhiba jurra mabtouhan ala batnihi wa wajihi bi'unfin wa shiddatin wa ihanatin lah. Ul'adhu billah. Qu'est-ce que ça veut dire le mot suhiba? Yushabu. Qu'il soit tiré sur son ventre et son visage, comme cela, avec dureté et violence pour qu'il soit humilié. Ulqiya qudifa wa rumiya finnar. Koudifa, ou l'qiya, ça veut dire jeter dans le feu. Asnaf al-mal, ça on l'a déjà vu dans quel hadith, asnaf al-mal. Premier hadith. Hadith de qui ? C'est pas le hadith de Mu'ad ? Abdullah ibn Abbas, hadith Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen. On a vu asnaf al-mal, il n'est pas dans l'offre de hadith, mais il est dans le charh, on a vu que c'était quoi asnaf al-mal ? C'était le genre de bien. Hein? Et asnaf al-mal, les catégories de biens d'argent. Jawadun. Asnaf al-mal, c'est-à-dire, si vous voulez, en arabe, anwa'uhu, tout simplement. جواد سخي كريم، c'est-à-dire généreux. المعنى الإجمالي للحديث، للسنس جنرال دو حديث. إن في مصير هؤلاء الثلاثة الأشقياء لعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الشيخ في خاصة كل فيرسي سي دي سورات قاف، إن في ذلك لذكرى لمن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Je vous avais déjà apporté quelques فوائد ابن القيم dans le كتاب الفوائد sur ce verset là. ما بالهم وما الذي دهاهم؟ أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟ أفضل الأعمال؟ أليس هو ذروة سنام الإسلام؟ أليس للمجاهد في سبيل الله مئة درجة ما بين درجتين كما بين السماء والأرض؟ أليس الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ويسرحون في الجنة حيث شاءوا؟ أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ ألم يقل الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ أنا في حديث سفيرس لكم qu'on a fait l'introduction sur Talab al-Ilm, vous vous souvenez ? Dans les quelques cours qu'on a fait au tout début, je pense que c'était 4 cours quand même, hein ? Non ? C'était combien ? 3 cours qu'on avait fait sur l'importance de la science et des gens de science et leur préséance. « وهذا المتصدق المحسن الذي لا يترك سبيلا يحبها الله إلا أنفق فيها أليس الله يثيب على الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة خصوصا إذا كان البدل في سبيل الله ؟ ألم يحث ربنا على البدل في والإنفاق في سبيله؟ فما الذي أصابهم وجعلهم أول من يقضى عليه ويقذف به في النار جهنم؟ أعاذنا الله من هذا المصير. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب مصيرهم هذا، وأنهم لم يخلصوا لله في هذه الأعمال التي تبدو للناس أنها عظيمة، ولم يريدوا بها وجه الله، بل كانت مقاصدهم سيئة وأغراضهم فاسدة وحب الثناء من الناس والمدح والإطراء، فلم يرد ذلك المجاهد وجه الله ولا إعلاء كلمات الله، إنما أراد بذلك نفسه وأحب أن يعلو صيته ويشتهر بين الناس بالبطولة والشجاعة والإقدام، وقد حصل ذلك فكان جزاؤه في الدنيا، وأما في الآخرة فكان جزاؤه أن يفضح وتكشف سريرته ثم يقذف في النار والعياذ بالله. أما العالم فلم يطلب العلم لله ليتفقه في دينه ويعلم ما يجب لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللناس فيؤديه، ولم يعلم الناس لوجه الله يرجو ثواب نشر العلم والدعوة إلى الله، إنما ليقال فلان عالم وفلان علامة الزمان وحافظ الوقت وقارئ الأمة، فكان جزاؤه أن تفضح نواياه ويهتك ستره يوم القيامة جزاء سوء قصده ثم يلقى في النار. أما صاحب المال فلم يشكر الله الذي أسبغ عليه تلك النعم، ولم يكن من الذين قال فيهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سورة المعارج. ولم يدرك أن المال مال الله استخلفه فيه لينظر كيف يعمل، لذلك فهو لا يريد بما ينفقه وجه الله، ولا يعرف طريقا إلى الإخلاص لوجه الله، إنما يريد أن يتغنى الناس بمجده ويلهج الشعراء بمدحه، وأن يطير في الناس أخبار وجوده وسخائه، فكان له ذلك ونال ما قصده في الحياة الدنيا. وأما الآخرة التي لم يردها فإن جزاءه فيها أن الحساب الدقيق والجزاء العادل والملائكة الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تنتظره ليسحب على وجهه ثم يقذف في النار. الشيخ تغمين en disant نصيحة très importante, on va traduire. إن في إن شاء الله إن في هذه لعبرة عظيمة وعظة بالغة للمجاهدين والعلماء والأثرياء المنفقين لعلهم يتعظون فيخلصون أعمالهم لله فيظفرون بوعد الله وينجون من عقاب الله النازل بالمرائين والمنافقين. يسين فوتي مكان لا مسي لعلهم. كيف كان ندي شيخ ربيع بن هادي المدخليسي؟ Le sens général du hadith. Il y a dans, certes dans le sort de ces trois malheureux, il y a bien là une leçon et un rappel pour quiconque a un cœur. On a dit quoi ? لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. On avait dit, tout le monde a un cœur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un cœur ? Il y a un cœur qui est prêt à accepter le dhikr, comme il a dit Ibn al-Qayyim. Un makan qabil lil mu'athir. Le mu'athir, c'est ce qui influence, c'est quoi ? C'est le dhikr, c'est le rappel. Et il y a le rappel qui influence et l'endroit qui est censé être influencé, qui est censé être prêt à accepter le rappel. C'est quoi le cœur ? إيه ها وألقى السمع وهو شهيد. إيه il prête attention, il est pas insouciant, وهو شهيد, il est témoin. De quoi? Quiconque a un cœur prête l'oreille tout en étant témoin. Qu'en est-il d'eux? Que leur est-il arrivé? Le jihad n'est-il pas la meilleure des actions? Hein? N'est-il pas le sommet de l'islam? Le mujahid dans la voie d'Allah n'a-t-il pas 100 degrés? Entre chaque degré, il y a comme entre les cieux et la terre? Les martyrs ne sont-ils pas vivant auprès de leur Seigneur et ont leur subsistance? Comme cela. Ne vont-ils pas où ils veulent dans le paradis? Les savants ne sont-ils pas les héritiers des prophètes? Alayhi salatu salam. Allah n'a-t-il pas dit: Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat? Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu leur savoir. Le savoir? Sourate Al-Mujadala, verset 11. Et celui qui donne le monde, ce bienfaiteur qui ne laisse aucune voie qu'aime Allah sans qu'il ne dépense son argent, Allah ne récompense-t-il pas chaque bonne action en la multipliant par 10, en la décuplant, et même en la multipliant jusqu'à 700 fois, et plus, surtout lorsque cet effort est dans la voie d'Allah? Notre Seigneur ne nous incite-t-il pas à dépenser dans sa voie? Que leur est-il arrivé? Et afin qu'ils soient les premiers jugés et jetés en enfer, qu'Allah nous préserve de cette fin. Le messager d'Allah nous a expliqué la raison de cela. C'est le fait qu'ils n'ont pas été sincères dans ces actions qui paraissent aux gens immenses. Encore une fois, regardez, hein, qui paraissent aux gens. Le hukm al-dhahir. Faites attention, ya ikhwa. Hein? Peut-être que les gens, on va leur paraître comme ce qu'on veut paraître. Mais Allah Rabbil Alamin, il connaît al-nawaya, il connaît les intentions. Faites attention, et on doit tous faire attention, être bien sincères dans ce qu'on fait. De chercher que l'agrément d'Allah et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui paraissent aux gens immenses, ils n'ont pas voulu dans ces actions la face d'Allah, l'agrément d'Allah. Leur intention était mauvaise et leur but corrompu, car ils ont aimé l'éloge des gens, leur flatterie et leur louange. Et il y a une parole en arabe qui dit An-nas ghayatun lan tudrak. Le fait d'agréer les gens, de satisfaire les gens, c'est un but, tu ne pourras jamais y arriver. Donc cherche même pas. Cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mujahid n'a pas voulu la face d'Allah, ni le fait que sa parole soit la plus haute. Il n'a voulu par cette action que sa propre personne et que sa notoriété augmente et qu'il soit connu parmi les gens pour l'héroïsme et le courage, hein, et l'intrépidité. Comme dit quelqu'un, il est intrépide, il est courageux, il est héroïque. Hein? Et ce qu'il a obtenu dans ce bas monde, et c'est ce qu'il a obtenu dans ce bas monde. Regardez le jaza fi dunya. Il l'a eu dans ce bas monde. Ce qu'il voulait, il l'a eu. Mais amma fil akhira, yushabu, ala wajihi, fi yuqtafu fi nar, wa la'adu billah, wa ala batnihi. On a dit quoi ici? Et c'est ce qu'il a obtenu dans ce bas monde. Tandis que dans l'au-delà, sa récompense est qu'il soit démasqué. Ah, ça c'est le jaza al-ukhrawi. Hein? Fil akhira, c'est ça le jaza. Tu voulais, dunya, tu l'as eu, dunya ce que tu as eu, et maintenant l'akhira, voilà ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est qu'il soit démasqué et que sa pensée intime soit dévoilée. Parce que cette pensée intime, cette niya, hein, dont sa place est le cœur, il n'y a qu'Allah qui peut la connaître. Et qu'il soit ensuite jeté en enfer. Le savant, lui, n'a pas appris la science pour Allah. Faites attention, on est en train d'essayer de prendre la science, on est en train d'essayer de faire la da'wah ici, qu'on essaie tous d'être sincères ici. Hein? Comme cela. Pour qu'ils comprennent sa religion et qu'ils sachent ce qui lui incombe envers Allah. Parce que c'est quoi en vérité la niya dans talab al-ilm, comme l'a dit l'imam Ahmed, rahmatullah alayh. An tarfa'a al-jahla 'an nafsika 'an ghayrik. Que tu te sortes de cet élève, de cet état d'ignorance. Nous, des fois, on aime bien rester dans cet état d'ignorance. On ne veut pas s'élever, subhanallah. On ne veut pas. On veut rester bas. On veut rester bas. Et je sais ce que je dis, on veut rester bas parce que si on voulait s'élever, on n'aurait qu'à étudier. Et on le ferait. Hein? C'est que tu t'élèves de cet état d'ignorance et que tu élèves les gens de cet état d'ignorance avec ta da'wa en leur apprenant. Pourquoi? Pour apprendre comment adorer Allah à la basira. Hein? Les frères ici anglais qui ont été à l'Umra, ils ont rencontré un savant de la langue arabe à Médine, chez qui les talab al-ilm les ont amenés. Il leur a fait nasiha, il leur a dit verset de surat Dariyat: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha warazzaqu dhul quwwati al-matin. Il leur a dit: comment vous, c'est une obligation l'ibada lillah. Allah nous a créé que pour qu'on l'adore. Comment vous l'adorez sans ilm? Et comment vous l'avoir l'ilm sans langue arabe? Donc pour savoir qu'il sache ce qui lui incombe envers Allah et envers le livre et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, et qu'il s'en acquitte, il n'a pas enseigné pour Allah. En espérant la récompense obtenue pour la diffusion de la science. Et on avait vu là, hein, dans les premiers Goudoros, l'importance de la science et de l'azr de diffuser, d'apprendre la science, etc. Hein? Et de la prêchant d'Allah. Mais seulement pour que l'on dise, un tel est un savant. Et un tel est plus savant le plus savant de son époque. Et le mémorisateur de son époque. Et le lecteur de la communauté. Sa récompense sera que ses intentions seront dévoilées et qu'il soit démasqué le jour du jugement dernier. Une juste récompense de sa mauvaise intention puis sera jeté en enfer. Tandis que celui qui détenait de l'argent et n'a pas remercié son Seigneur pour les bienfaits dont Allah Azza wa Jalla l'a comblé, il ne fut pas de ceux qui, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé pour le mendiant et le déshérité. Traduction approximative du sens du verset 24-25 de Surat Al-Ma'arij, les voies d'ascension. Hein? Et il n'a pas compris que l'argent appartient à Allah. Ça, c'est une notion qu'on doit bien comprendre, les frères. L'argent, il appartient à Allah. Et il te l'a donné que pour voir comment tu vas te comporter avec cet argent-là. Donc, akhi, tiens pas trop près ton argent. Lâche un peu. Lâche un peu, fisabilillah. Hein? Et qu'Allah lui a confié pour voir ce qu'il allait en faire. Et c'est pour cela qu'il ne cherche pas la face d'Allah lorsqu'il le dépense. Il ne connaît pas la voie le menant à la sincérité pour la face d'Allah. Regardez la niya dans l'infaq. Hein? Il donne l'argent, mais il veut quelque chose en contrepartie. C'est quoi? Qu'on en dise de lui. Hein? Qu'il ait une réputation, etc. Regardez le adou billah. Parce que donner pour la voie d'Allah, c'est pas facile. Donner pour la face d'Allah, c'est pas facile. Hein? Il ne veut seulement que les gens chantent sa gloire et que les poètes fassent constamment son éloge. Et que sa générosité soit connue de tous. Tandis que dans l'au-delà, et c'est ce qu'il a obtenu dans ce bas monde. Hein? Waqad qil, comme dans le hadith. Hein? Waqad qil. Tandis que dans l'akhirah, dans l'au-delà, il n'a pas voulu sa récompense. Et le jugement est précis, juste, équitable. Et les anges rudes, durs, malaikatun, ghiladun, shidadun, la ya'asun Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun, comme dans surat Tahrim. Hein? C'est quoi? Les anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur a commandé et faisant strictement ce qu'on leur ordonne, l'attendent pour le traîner sur son visage et le jeter en enfer. Son visage et son ventre. Hein? Il y a certes dans ceci une grande leçon à tirer et un rappel pour les mujahidines et les savants, les ulamas et les munfiqines, hein, ceux qui donnent de l'argent, les opulents, qui dépensent afin qu'ils tirent peut-être une leçon. Hein? Qu'ils en tirent peut-être une leçon et soient sincères pour Allah dans leurs actions et qu'ils obtiennent la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et soient sauvés du châtiment d'Allah réservé aux hypocrites et aux gens de l'ostentation. Sallallahu azza wa jal, hein? L'afou l'afiyah, qu'Allah azza wa jal donne le firdaus l'a'la et qu'il nous préserve de ce châtiment et qu'on sallallahu azza wa jal, hein? Nurzaqna l'ikhlas, hein? Wa sidq. في الأعمال أن يوفقنا يعني لكل ما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. Rendez-vous samedi prochain 16h30 pour le dars de fiqh شروط شروط الصلاة de Cheikh Al-Mohsen Al-Abbad حفظه الله. Pour ceux qui ont raté un cours, ne vous inquiétez pas, on a juste commencé hier inshallah, d'accord. Pour le dars de Cheikh Rabi' dans le hadith ici, hein, Inch'Allah, on commence le 16e hadith la semaine prochaine. C'est à 16h30. Il y a juste un truc. Non, normalement, ça devrait aller. Il se peut que je voyage vite ici dans une autre ville samedi prochain, mais normalement, je devrais partir juste après le dars. Hein? Je vais dans un aéroport dans une ville proche d'ici, chercher là de la famille, donc. Inch'Allah, on se tient au courant. Mais normalement, il y a dars. Normalement, il y a leçon, Inch'Allah. Ça va? Et il faudrait qu'on commence à réfléchir ensemble sur ce que vous voulez faire après le dars de Cheikh Rabi', parce qu'on a presque terminé le livre. Qu'on peut-être vous donner des petites idées pour des choses à traduire. Moi, j'ai pensé à Sharh Sunna de Al-Barbahari avec l'explication de Cheikh Najmi. Mais c'est un livre qui est un peu gros. Je voudrais peut-être faire d'abord des petits livres. J'ai pensé aussi à recommencer dans l'ordre dans le livre de l'Aqida, à recommencer au Sul Talata, par exemple, je crois Abel Jabiri, et me remonter comme ça. Il y a aussi Khawal Arba. Il y a pas mal de choses à faire. On peut faire Nouniya aussi, on peut faire. Hein? On peut faire de la Sira, c'est vrai, on peut faire aussi le Qisas al-Anbiya, mais je pense qu'on va, on va plutôt se baser dans le ménage de l'Aqida. Hein? De toute façon, Inch'Allah, il y aura le temps, Inch'Allah, de faire d'autres choses. وحياكم الله.